Amis humains, bonjour. Dans la série Histoire de la robotique, un drone ambulance qui peut sauver des vies. Depuis quelque temps, les drones sont vraiment d'actualité. Des bracelets drones, des livraisons par drone et voilà aujourd'hui que même les ambulances se transforment en drones. Un moyen pour sauver à temps les personnes souffrant d'infarctus. Un drone ambulance qui peut sauver des vies. De nos jours, nombreux sont les gens qui souffrent de maladies cardiaques qui mènent souvent à des crises et même à des arrêts cardiaques soudains. Des fois, les ambulances y mettent du temps à arriver sur la place pour effectuer les premiers soins et tout. C'est donc la raison qui a fait naître l'idée des drones ambulances aux Pays-Bas. Les drones qui sont connus pour leur rapidité sont en effet utilisés dans les guerres et tout, mais ils peuvent aussi être exploités pour aider des gens et tout. Ce drone ambulance permet donc de sauver des vies, notamment la vie de ceux qui sont atteints d'arrêt cardiaque. Mais comment cela est-il possible, se demandent certains. Eh bien, ce drone transporte un défibrillateur, et vu sa rapidité, il sera à temps pour sauver le malade. Ce drone ambulance est donc composé de 6 hélices lui permettant de s'envoler rapidement, voire à une vitesse de 100 km/h. Il supporte aussi une charge de 4 kg avec lui et localise la victime via un GPS qu'il intègre dans sa coque. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un prototype, conçu par des étudiants de l'université de Delft aux Pays-Bas. Un drone ambulance qui peut transporter un défibrillateur en quelques secondes seulement. C'est en effet un jeune homme de 23 ans nommé Alec Momon, étudiant en ingénierie, qui a eu l'idée de concevoir ce drone ambulance. Selon lui, nombreux sont les gens atteints d'une crise cardiaque chaque année et leur chance de survivre est assez moindre, voire de 8% seulement. Ceci qui est dû au retard de soins qui prend environ 10 minutes pour arriver sur les lieux alors que la personne peut rendre son âme au bout de quelques minutes seulement. Le drone ambulance lui donc peut arriver sur place en quelques minutes du fait qu'il peut parcourir 12 km car ils en une minute seulement. Il suffit donc de l'équiper des matériels de soins et la chance de survie du malade augmentera. Mais qui se chargera donc de faire les soins à la victime? Eh bien, le drone est équipé d'un micro et d'une caméra qui permettra aux gens à l'entourage de la victime de communiquer avec les personnels de soins. Ces derniers donneront juste l'ordre et c'est au tour de la personne chargée de faire les soins. Ce projet n'est encore qu'un prototype mais attire déjà de nombreux personnels médicaux. Voilà, fin de l'article. Du drone ambulance. À très bientôt. Grosse bise numérique.